soleil pointe sur la rue déserte, où jadis je mordais la poussière. La porte grince un écho de vie. Raiders qu'il revient chargé de défis. Le comptoir s'illumine au lointain. Un nouveau jour commence un chemin. T'as forgé mon poignet résolu, mais cet écrin de bois reprend à l'aveu. Les barils claquent, le café fume. Je remplis les étagères, point de brume. Chaque article est un rêve retrouvé. La farine des revolvers rangés. Les murmures du passé se répercutent dans la poussière que mes bottes s'autoproduisent. Rider's Kill redonne vie à ce lieu brisé. Son nom résonne, choisi loyal. Arrive silhouette calme. Certains s'approchent avec leur désespoir infâme. Je conseille, je vends, je négocie. Les sourires renaissent, l'espoir surgit. Le village grelotte, mais il respire. J'y verse des rivières d'avenir. Une jalousie murmure par la ruelle. Butchers, outlaws tendent leur querelle. Des denrées trottent entre les mains usées. D'autres me défient sans jamais flancher. Je positionne tout avec soin, précision. Mon ancien moi forge une nouvelle vision. Les tomahawks ce matin sont missiles d'or. Dans le mini-jeu je vise et je remporte encore. Les licences s'alignent comme mes espoirs. Sur la route de l'empire qui se répare, de la poussière renaît une scène. Ma maison perche éveille sur la plaine. J'embellis les murs, repeins l'intérieur. Chaque planche, chaque couleur est une ardeur. La maison sur la colline me regarde renaître comme une étoile. Les clients reviennent fidèles et fiers. Je suis l'encre, l'espoir, la pierre. In the heart of Justin Timberlake. s'éveille mais reste paisible. Heidenskill sourit fier et habile. Dans cette boutique, le rêve survit. Et la rue redevient la vie enfin. Ravie.